racines quasi gratuites. Tout comme les péages, pour rester pacifiste, je suis violent que dans mes textes. Pourtant j'ai vu que tu m'écris dans le retard des CRS. À genoux, main sur la tête et les CM face au SS. On te fera payer la dot, malu des citoyens que tu blesses. Divisé pour mieux régner, on a choisi l'unité, solidaire et soudé. Face à l'adversité, peu importe nos origines, nous sommes tous français. Y'a pas de tatou qui nous permet de nous rassembler. Résistant depuis la tête de Colonna, fait les frais. On t'a mangé le pavé, on t'a mangé le pavé. On a sorti les gilets jaunes, on craint des guerres, rien nous est fait. Fais pas la taille pour stopper, on a tous pris le gilet. Une centaine d'euros, t'as cru t'allais nous faire kiffer. Pas de reculé, garde mon gilet. Les gens, toujours la manie, on croit manger le pavé. On t'a mangé le pavé, on t'a mangé le pavé. Alimenter la colère pour déclencher une guerre civile. Tout ça est commenté depuis des années par les routines. Nouvel ordre mondial, la dictature des riches. Nouvelle forme d'esclavage qu'on se doit abolir. Aux âmes citoyens, fais-le pour rester libre. Pas toi pour la France, peu importe tes origines. Aujourd'hui tu ne fais rien, demain tu seras complice. La liberté t'a connu, ça fait longtemps qu'elle est fictive. Une pensée pour Fiorina, qui a perdu son œil. Venu pour manifester, un tir flash volant plein gueule. Manu, Manu, tu pardonnes aux coupables. Ta crimine ne peut plus les temps que tu dégages. C'est plus le temps de parler, maintenant on passe à l'acte. C'est la révolution, ta tête va couler sous la table. Tu fous avec ta tête, un triomphe, c'est les cages. Le peuple contrôlé, ta classe est inévitable. Discours inefficace, allez on passe aux attentats. On va me traiter de complotisme, on parle tout ce qu'on passe de moi. Je parle à dans leur terre, ma femme qui qu'est-ce que je vois. Elle arrive en troisième guerre, mais toi tu parles de ça. We'll be right back. Ciao.